بسم الله الرحمن الرحيم. معك أنا درسنا الآخر التمييز. تمييز، ما هو تمييز؟ بدون نظر في الكتاب. والاسم والمنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات. وفي الحقيقة كنا من من بهما ما استبهما. طيب لكن قسم هو وعلى قسمين، قلنا تمييز ذات مفرد وتمييز نسب أي جملة، وأخذنا تمييز الأول وتمييز المفرد. والذي يأتي بعض العدد والكيل والوزن والمساحة. On a dit l'intakdir de min. Ou alors il peut prendre la place, il peut devenir un mudaf ilayhi. أعطني مثالا لتمييز مفرد. تمييز مفرد، اعتبار عدد او كيل او وزن او مساحة. 20 طلاب، 20 طلاب. هذه جملة غير مفيدة. 20 طلاب كذا. حتى ذهب. 20 طلاب. ذهب 20 طلاب. أين الفاعل؟ مستتر. لا. من ذهب؟ من ذهب؟ ذهب. الخطف يهرب. أين الفاعل؟ فاعل. من ذهب؟ طلاب. طلاب في هذه الجملة سيكون تمييزا. فايش باقي؟ عشرين. عشرون طالبا. ذهب عشرون طالبا. هذا هو الصواب. طيب ذهب 20 طالبا، هذا نعم فالتمييز مفرد. الآن سندخل في الثاني وهو تمييز الجملة، يسمى كذلك بتمييز النصاب. قال في الشرح: وهو الذي يزيل الإبهام عن جملة. Lui, maintenant, il enlève l'ibham qu'il y a dans une jumla. Une jumla qui n'est pas claire, qui a besoin de choses qu'il explique, qu'il éclaircisse. Il va venir à ce moment-là. Nahu qawlika tasabbaba zaydun araqa wa tafaqqa'a bakrun shahma wa zaydun akramu minka aban fa kullun min araqan wa shahman wa aban tamizu jumla منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. طيب نعيد الأمثلة. C'est le même que dans le matin. قال تسبب زيد عرقا. À la base تسبب c'est le fait de couler, dégouliner. هذا الفعل تسبب هذا فعل لازم. C'est un verbe qui est lazim, qui n'a pas de maful bihi. Qu'est-ce qui s'est passé là? Si on te dit tasabbaba zaydun fakat, est-ce que zaydun il coule? Est-ce qu'il dégouline? C'est un être humain, il ne peut pas. Fanartaj ilayma yufassir ma'na tasabbaba. Ma'adha tasabbab. Kaif? Ma'na fahm. Faqila gharqan. La base de cette phrase-là, en fait, Arkan, c'est quoi sa vraie place dans la jumla, à la base, dans le ma'na? Il serait un fa'il. Il serait mudaf, et Zayd serait mudaf ilayhi. La vraie phrase, ce serait Tasabbaba Arku Zaydin. La sueur de Zayd, elle a coulé. Fa'ayirna Aza, j'aina le mudaf ilayhi fa'ilan, ou le mudaf, ou le fa'il, j'aina mudafan ilayhi. Donc c'est devenu Tasabbaba Zaydun Arakan. Talif El Firsala Yassilu, qui veut dire Kazalik coulé. Yakoul Masalen, Sala El Ma'u. L'eau elle a coulé. L'eau elle a coulé. L'eau coûte lac. Sala, Sala Ma'u El Hanafiya. L'eau du robinet elle a coulé. El Jumla Tamam, ça? Mufida. Elle a donné rien à la phrase. L'eau du robinet, elle a coulé. Sala ma'u al-hanafiyya. Ou al-hanifiyya. Je sais plus si c'est hanafiyya. C'est hanifiyya. Non. Robinet, c'est hanafiyya. Hanafiyya. Hanafiyya. J'ai un trou. Al-muhim. On va faire comme on a fait cette phrase-là. On va changer les choses de place. Est-ce que le robinet, il coule? Fa'alan, ça n'a coulé. Sala al-hanifiyya ma'an. Maza fa'alna? On a changé la place des choses. Le fa'il qui était à la base ma, on l'a rendu tamiz. Et le mudaf ilayhi qui était al-hanifiyya, on l'a rendu fa'il. Si on avait dit sala al-hanifiyya, ça aurait été une phrase qui était mubhama. On a une chose qui explique. Qu'est-ce qui a coulé du robinet? C'est l'eau. Donc tu vas dire Sala al-hanafiyya ma'an. Un autre exemple qui ressemble. Al-fi'l imtala'a. Imtala'a, ça veut dire quoi imtala'a? Tu connais le verbe imtala'a? Se remplir. Se remplir. C'est un fi'l lazim. Il n'y a pas de maf'oul bihi. On va te dire imtala'a al-hawd. Imtala'a al-hawd. Le bassin s'est rempli. Akaza, inshallah, qu'est-ce qu'il y a que si? Ça peut être suffisant. Mais nous, maintenant, on veut préciser de quoi il s'est rempli, le bassin. Parce qu'on a cool. Imtala'a al-hawd ma'an. On aurait pu dire imtala'a al-hawd labanan. Imtala'a al-hawd zaytan. Pour dire de quoi il s'est rempli le bassin. Tu rajoutes une explication à la phrase. Mais si on avait dit imtala'a al-hawd, la phrase à la base elle est complète. Le bassin s'est rempli. Déjà ils ne savent pas de quoi il s'est rempli. Donc tu rajoutes le tamiz qui enlève l'ibham dans la phrase. Tu mets ce que tu veux, la chose de quoi il s'est rempli, et tu la rends mansoub. Ça, en fait, ça doit zoomer. Fahimta al-mithal ma'a imtala'a? Fahimta hada, ce qu'on vient de dire là? Avec tasabbaba zaydun arkan? Taïb. Le mithal est fani. Tafaqqa'a bakrun shahma. Tafaqqa'a bakrun shahma. À la base, ce serait tafaqqa'a shahmu bakrin. Là, celui-là, c'est pas celui-là. Tafaqqa'a à la base, c'est quoi? C'est lorsque ta peau, je pense que c'est le fait d'avoir des bourrelets. Quand ta peau se plie. Donc, si on te dit, tafaqqa'a zaydun, bakrun, c'est comme si on disait que zaydun, sa peau se plie, et il a des bourrelets. Si on s'arrête là, la baisse. Mais quelqu'un veut préciser encore plus. Il va dire tafaqqa'a bakrun shahma. Des bourrelets à cause du gras en fait qu'il a. La graisse qu'il a. مثلا المثال الثالث Zaydun akramu minka aban. Zaydun akramu minka aban. Cette phrase-là pose un problème car je ne sais pas s'ils veulent dire que c'est le père de Zayd qui est, que Zayd est un meilleur père ou alors que c'est Zayd qui est un meilleur père que toi. Celui-là, laisse-le. Ce qui est Yushkila Aleya, dans le ma'ana. Prends celui qui est dans le matin. Zayd, Ajmalu Minka Wajhan. Tu vois, Akhir fil matin, le dernier fil matin. Ou Ajmalu Minka Wajhan. Que Zayd a un plus beau visage que toi. Si on avait dit Zayd Ajmalu Minka. Zayd Ajmalu Minka. Tout seul. Zayd est plus beau que toi. Ça a un sens. Maintenant, on veut préciser Fi ay modo bidobt ou Ajmal Mink. En quoi exactement est plus beau que toi? On va dire quoi? On va ajouter le tamiz. En visant la chose que l'on veut. Ça va être quoi? Zayd akramu minka ou ajmalu minka wajhan. Un autre exemple, nakul Zayd aksaru minka. Zayd est plus que toi. Plus que toi quoi? Je sais pas là. Il y a un ibham. Tu veux dire masalen Zaydu aksaru minka ilman. Zayd a plus d'ilm que toi. Enfin, c'est quoi que s'est passé là à la base? Ce tamiz, à la base, c'était un mubtada qui était déplacé. À la base, c'est Wajhu Zaydin Ajmalu Min Wajhik. Et ça, la phrase de base. Wajhu Zaydin Ajmalu Min Wajhik. On a changé la phrase. Le mubtada, on en a fait quoi? Un tamiz. C'est devenu, et le mudaf ilayhi est devenu lui, le mubtada. Ça fait, c'est devenu Zaydun Ajmalu Minka Wajhan. Donc moi mon ishkal avec l'exemple qu'il a donné, wa Zayd akram minka aban, je ne sais pas s'il veut dire que Zayd a un père qui est plus honorable que toi, ou alors que Zayd est un père plus honorable que toi. Je ne sais pas c'est quoi qu'il veut. C'est pour ça que je dis, je laisse tomber le missel. C'est pas un gros problème en soi. L'irlab, je la connais, mais je parle dans le sens où on devrait traduire. Je ne sais pas si on dirait que c'est Zayd qui est un père plus honorable que toi, ou que Zayd a un père plus honorable que le tien. Tamiz. Shahman, tamiz. Aban, tamiz. Donne-moi, je vais te donner une phrase, tu me fais la même chose. Tu me la trompes, tu me mets en tamiz. Comment on va dire? Rijlou. Rijlou. Zayd. Atwalu min rijlik. La jambe de Zayd est plus grande que ta jambe. Zaydoun. Rijlan. Arsent. Zaydoun. Atwalu minka rijlan. Ça, c'est un exemple. طيب. من أمثلة القرآن قولوا تعالى واشتعل رأس شيبة واشتعل رأس شيبة. C'est quoi la base de cette phrase? À la base, c'est اشتعل شيب رأس, que les cheveux blancs sont sortis. Si on avait dit اشتعل رأس, en français, je ne pourrais pas te traduire vraiment, tout seul. C'est comme s'il y avait eu un changement dans la tête. Les cheveux de la tête. De quelle façon ils sont devenus blancs? Là maintenant, l'exemple d'un Fulbi qui est devenu tamiz. Celui-là. Wafadjarna al-ard uyuna. Wafadjarna al-ard uyuna. T'as compris le sens du verset? C'est quoi la base du verset? Wafadjarna uyuna al-ard. Donc, on fait jaillir les sources de la terre. Enfin, maintenant, on a fait quoi? Le maful bihi, on l'a rendu tamiz, et le mudaf ilayhi qui était avec le maful bihi, on l'a rendu, lui, maful bihi. Fajjarna al-ard uyuna. Si on avait dit fajjarna al-ard, c'est comme si on disait on a fait jaillir de la terre. On a fait jaillir de la terre quoi? C'est ça qu'il faut, il faut un tamiz à ce moment-là. C'est quoi? C'est uyuna. Et là-bas, c'était fajjarna uyuna al-ard. C'est l'exemple qu'on a pris là, il revient, il est facile celui-là. Ana aktharu minka malan. C'est quoi la base de, la, de cette phrase-là? Là, là, Ana aktharu minka malan. Comment tu changes la phrase? C'est quoi ta phrase, la phrase d'origine? Là, le tamis, c'est un mutada à la base. Et aïa. Ah, Mali, khas, le ya, c'est le Ana, il représente le Ana. Ce qui était Moudaf Ilayhi est devenu Moutada maintenant. Mali Aktharu Min Malik. Mali Aktharu Min Malik. Ah, Adaou. Fahimta Ada? Taïb. Donc dans le Tamiz Jumla, le Tamiz, souvent, il est Muhawwal, il est pris du Moutada. Comme l'exemple. Ana Aktharu Min Kamalan, là-bas, c'est Mali Aktharu Min Malik. Mali Aktharu Min Malik. Il peut être muhawwal pris d'un fa'il. Comme dans Tasabbaba Zaydun Harkan. À la base, c'est Tasabbaba Harku Zaydin. Et il peut venir dans Mufoul Bihi. Comme dans Fajjarna al-Ard Uyuna. À la base, c'est Fajjarna Uyuna al-Ard. Et il peut venir de ni l'un ni l'autre. Comme l'exemple qu'on a dit Imtala'a Al-Houdu Ma'an. À la base, le tamiz, la ma'an, c'était ni un fa'il, ni un mubtada, ni un fulbihi. Car tu peux dire, imtala al-haoudou. Il n'y a pas de mishkel là-dessus. Puis tu précises de quoi il s'est rempli le bassin. Ma'an. Sauté l'huile, on dit zaytan. Sauté du lait, on dit labanan. Akada. Il a akhiri. Thumma zakara shurut, zakat tamiz. Qal, al-musannif. ولا يكون الى نكره ولا يكون الى بعد تمام الكلام تميز كذلك il n'est que nakira et ça y a un khilaf on l'a déjà trouvé comme étant venu ma'rifa ça c'est qu'ul kufiyin et leur qu'ul sawab il y a des exemples mais ça c'est rare c'est très rare là-bas c'est qu'il vient nakira ولا يكون الى بعد تمام الكلام comme le hal il ne vient qu'une fois que la phrase elle est complète قال في شرح باستقراء النحويين وتتبعهم للغة العرب وجدوا أن التمييز لا يكون غاربا إلى نكرة ولا يكون إلا بعد تمام الكلام أي بعد جملة تامة لأنه فضل كما من لديا cela s'est découvert comment par la recherche dans les textes que les نحويون علماء du نحو ont constaté que ce تمييز ne vient que نكرة en général. Il est déjà venu, rarement, mais il est déjà venu Ma'arifa, et qu'il ne vient que lorsque la phrase est complète. Quand même, LN, des faïdas qui sont en dessous, pour avoir quelques points de tamiz entre le hel et le tamiz, des points de distinction, car des fois, ça peut être ambigu. Il te donne des points de différence entre eux, pour t'arriver à distinguer. قال ذكر النحويون فروقا بين الحال والتمييز نذكر منها certaines différences qui entre les deux اولا ان الحال ياتي مبينا للهيئات والتمييز ياتي مبينا للذوات والنسب كل حال lui vient pour décrire un aspect du comment alors que le tamyiz il vient lui pour démontrer on va dire un ذات la réalité d'une chose pour pouvoir éclaircir une phrase entière. Différence. ثالثا الحال ياتي غالبا وصفا مشتقا والتمييز ياتي غالبا اسما جامدا. Que le hal c'est غالب ça devient ism mushtaq. C'est un ism qui est dérivé d'un fi'l comme ism fa'il, ism maf'oul, c'est un descriptif, c'est un wasf. مثلا جاء زيد ضاحكا راكبا جالسا. Ça, c'est les asma fa'il. Ce sont des noms qui sont pris d'un fi'l, qui décrivent, qui sont des wasaf, des descriptions. Alors que le tamiz, lui, en général, il vient, c'est un isme jamid. C'est un isme qui est rigide, c'est-à-dire qui n'est pris de rien du tout. Mais ça, on a dit, Malaktu tis'in na'jatan. Je possède 90 brebis. Brebis, c'est pas un isme mouchtok, c'est pas un isme qui est pris d'un verbe. Comme jalis, rakib, dahik, na'jala, asel kazalik, tamr kazalik. Ce sont des asmas jamida, tout ça, kaza, bait, kalem, tous ces noms-là, ce sont des asmas jamida. Des noms rigides, c'est-à-dire qu'ils ne sont tirés de rien du tout. Des noms d'origine. Donc le tamiz, fil ghalib, c'est un asme jamid. ثالثا troisième الحال يكون مفردا او جمله او شبه جمله والتمييز لا يكون الا مفردا que le hal il peut venir en étant un mot tout seul ou il peut venir en étant une phrase complète ou il peut venir en étant une phrase شبه جمله qui ressemble à une phrase après waw al hal alors que le tamyiz il ne vient que mufrad ça ne peut être que un seul nom ça ne peut être qu'un seul nom. طيب انظر تصف التمارين دفاع هون فينيا انسو الثالث tu dois trouver le tamiz لله 99 اسما que il y a pour Allah 99 noms et un tamiz الإيمان بدع وسبعون أو بدع وستون شعبة شعبة إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون عذابا هنا فائدة الاسم الذي يأتي منصوبا بعد اسم تفضيل فهو تمييز si tu vois اسم منصوب qui vient après un اسم تفضيل ça تمييز comme là مثلا إِنَّا شَدَ النَّاسِ عَذَابًا Cela veut dire إِنَّا شَدَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَ الْمُصَوِّرُونَ La phrase, ils n'ont pas quelque chose. أَشَدْ مَاذَا Le pire de quoi? Pire de quoi les châtiments? C'est comme si on disait, مثلا إِنَّا خَيْلَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَ الْمُتَّكُونَ إِنَّا خَيْلَ النَّاسِ ثَوَابًا Ceux qui ont la meilleure récompense. Ce sont les pieux. بعد اسم تفضيل هو تمييز تمييز tu l'as compris طيب جيد فغادي نشرح سناخذ المستثنى مستثنى il est facile mais il est facile dedans. Il est facile à comprendre, mais il a des temps faciles. On va en deux def, kazalik. Fa ila huna wa alhamdulillah bil alamin.